Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Cours Héloïse, le vieux monde est derrière toi. C'est Cassandre qui vous parle, je suis avec Delia et Sarah qui est à la régie. Aujourd'hui, on va parler ensemble de justice. Avec les filles, on se pose plusieurs questions. Est-ce que les jeunes s'informent sur les grands procès, les nouvelles lois? Est-ce qu'aujourd'hui, considère-t-on que la justice française va bien? Ou peut-on déjà en constater à notre échelle les limites? Nous essayerons d'explorer le sujet ensemble. On tenait aussi à vous dire qu'en ce moment, du 2 au 30 avril, la Laverie, une asso stéphanoise, présente une série d'événements autour de la justice, comme des spectacles et des rencontres. Ça se passe à Saint-Thé, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça s'appelle « Le droit à l'œil ». On écoute maintenant une chanson que Delia a choisie. Pour cette édition d'avril, j'ai choisi de vous passer la chanson « The Things You Said » de Depeche Mode, groupe britannique de musique électro, synthwave et plus généralement post-punk. Le groupe s'est formé dans les années 80 et ils sont encore actifs aujourd'hui, même s'ils ne sont plus que deux membres. Et pour commencer, Depeche Mode, c'est un groupe que j'aime particulièrement, déjà parce que leur style de musique me plaît beaucoup, mais aussi parce qu'ils ont su se réinventer sans cesse depuis 40 ans. La preuve, ils font encore des albums. Et pourtant, ils gardent toujours la même empreinte artistique. J'ai choisi de vous faire écouter la chanson The Things You Said en particulier, qui est issue de l'album Music for the Masses de 1987, parce que cette chanson me touche particulièrement. Déjà pour sa rythmique, parce que les basses sont captivantes, sans même parler de la voix de Dave Gahan, mais aussi pour son propos, parce qu'elle évoque la question de l'amitié, de la confiance et aussi quelque part de la réputation. Et pour moi, cette chanson, c'est une véritable dénonciation des potins, des commérages entre amis, qui en fait ne peuvent que fragiliser les amitiés. Et on l'écoute tout de suite. You said Vous êtes branchés sur le 89.5 avec Radio Duo. Vous écoutez l'émission Cour et Louise, le vieux monde est derrière toi. Et là, on vient d'écouter The Things You Said. Avec les filles, on a voulu avoir un peu le point de vue des jeunes sur le sujet de cette émission qui est la justice. Et pour ça, on a interrogé différents camarades dans notre lycée qui sont Amirlan, Lilou, Julien, Terence et Héloïse, qu'on écoute tout de suite. Bonjour, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle Amirlan, élève en terminale 6 au lycée Claude Fauriel. Quand je te dis justice, tu penses à quoi ? Je pense au droit, au tribunal, avec tous les métiers juridiques comme juriste, magistrat, avocat. Est-ce que tu as l'habitude de t'informer sur les grands procès actuels et sur les nouvelles lois qui entrent en vigueur ? Oui, ça je suis énormément l'actualité, tout ce qui est dans le monde juridique, surtout les procès comme récemment l'affaire Pellicot ou bien l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Comment tu t'informes ? Souvent Hugo décrypte quand il en parle des fois, sinon Le Monde, des sites, des médias habituels, voilà. Est-ce que tu considères que la justice française va bien ? Non, j'estime qu'elle va pas bien parce que déjà les procès, l'attente est très très longue et je trouve que la justice est pas forcément parfaite dans tous les procès, des fois les peines elles sont... on estime qu'elles sont moins lourdes, elle n'est pas parfaite. Surtout pour les viols, les agressions sexuelles, tout ça, il y a un gros manque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la justice française aille mieux ? Oula ! Comme la dernière fois, on en a parlé, en cours de droit, ça a été un très très gros débat. Intégrer l'intelligence artificielle, mais l'utiliser comme un outil pour justement... faire en sorte que les dossiers soient moins lourds pour les avocats, pour les juristes, etc. Et du coup, améliorer peut-être les plateformes, les aides pour justement faciliter l'accès au code civil, tout ça, au traitement des dossiers. Est-ce que tu trouves que la justice est assez ferme ou peut-être au contraire un peu trop sévère ? Donc pour moi, j'estime que la justice de nos jours est beaucoup moins ferme avec les grands dirigeants politiques ou bien des grandes personnalités comme Stéphane Plaza, par exemple. Je trouve que oui, la justice est moins sévère avec eux. Et puis, j'assiste à des procès où je me dis que certaines peines devraient être beaucoup plus lourdes vu les cas et vu les preuves, tout ça. Du coup, j'estime que oui, des fois, elle est moins sévère et moins ferme avec certaines personnes. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a particulièrement marquée, qu'elle soit récente ou très ancienne ? En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'affaire de Gisèle Pellicot. C'est vraiment une affaire que j'ai suivie dès le début parce que ça m'a vachement chamboulée. Parce que je me dis que les coupables, c'est des personnes qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. C'est des pompiers, des personnes, des médecins. C'est des personnes qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Donc ça fait surtout très très peur et on voit à quel point c'est dangereux de nos jours d'être une femme dans cette société. Merci Amirlan. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Malgré que la justice ne soit pas totalement parfaite, vraiment je rêve de devenir avocate et du coup de poursuivre des études dans le domaine juridique parce que je trouve que c'est tellement important dans la société dans laquelle on vit et du coup devenir avocate pourrait me permettre de faire évoluer, peut-être de tenter de faire évoluer les choses et d'amener des nouvelles techniques qui pourraient, à ma petite échelle, améliorer la justice en France. Merci. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Lilou et j'ai 17 ans. Quand je te dis justice, tu penses à quoi ? Je pense forcément au tribunal. Je pense aux peines, je pense au droit surtout, et tous les métiers qui vont autour avec les avocats, les juges, les huissiers. Comment tu résumerais ça en un seul mot ? La justice, l'équité. Est-ce que tu as l'habitude de t'informer sur les grands procès actuels et sur les nouvelles lois qui entrent en vigueur ? Les procès actuels, ça m'arrive de les suivre à travers les infos ou même les journaux. C'est vrai que les lois, j'ai un peu plus du mal parce que je les comprends un peu moins. Mais quand il y a des grandes lois qui plus me touche, oui, je vais plus me renseigner, mais sur les grands procès, oui, ben, par exemple, l'affaire Pellico, je me suis beaucoup renseignée, ou même par rapport aux attentats, les grandes affaires, oui, je vais les suivre, entre guillemets, de près. Et tu les suis grâce à quoi, du coup? Aux réseaux sociaux, à la presse, papier? Je vais les suivre à travers donc les journaux papier, mais également sur les réseaux sociaux, je suis abonnée à plein de newsletters, et aussi grâce aux infos à la télé. Est-ce que tu considères que la justice française va bien? Je pense que oui et non, parce que techniquement la justice fait que s'améliorer, parce que il y a plus d'égalité, on va plus respecter la loi, les lois changent en fonction de la société, mais d'un autre côté la justice a toujours ce même problème, c'est que des moments on a l'impression qu'elle ne juge pas assez, ou alors c'est qu'elle est trop laxiste, et du coup je pense que la justice va bien globalement, mais il y a quand même, comme dans toute société, comme dans tout système, il y a toujours des problèmes. Dans quelle situation tu t'es déjà dit que la justice était un peu trop laxiste? Typiquement dans tout ce qui est agression sexuelle, souvent par manque de preuves ou parce qu'ils ont des bons avocats souvent. Je trouve que les agressions sexuelles, quand on regarde les chiffres, c'est effarant de voir qu'il y a si peu d'agressions sexuelles, viols ou violences tout court, par exemple sur les femmes, qui sont punies tout simplement. Le nombre de féminicides qui ont lieu parce que des femmes ont porté plainte et qu'il n'y a pas eu suite, je trouve ça effarant qu'il n'y ait pas eu plus de choses qui ont été mises en place. Est-ce que tu trouves du coup que la justice elle est assez ferme ou peut-être qu'elle l'est un peu trop sévère? Moi, au contraire, je trouve qu'elle n'est pas assez ferme pour plein de raisons. Déjà, je pense que ce qui bloque surtout, c'est qu'il n'y a pas de perpétuité. Enfin, on appelle ça perpétuité, mais c'est maximum 30 ans. Donc je pense que sur certains crimes, après forcément j'ai pas fait d'études de droit, mais sur certains crimes ou délits, plus crimes du coup, il faudrait qu'il y ait une vraie perpétuité où la personne ne puisse pas sortir. Et sur plein de choses où du coup avec les sursis, tout ce qui est mis en place par la justice, donc les travaux et tout, je trouve que c'est pas du tout assez ferme. Et du coup c'est pour ça qu'il y a autant de récidives, parce que les personnes souvent ne comprennent pas leur peine. Et par exemple pour quel type de crime il faudrait qu'il y ait une perpétuité réelle et appliquée du coup? Je pense notamment tout ce qui est homicide volontaire. Homicide volontaire, tout ce qui est... du coup, ça va souvent avec les violences. Ça peut aller avec les violences faites aux femmes, donc les féminicides. Tout ce qui est agression sexuelle, pédophilie. Tout ça, je trouve que ça devrait aller dans la perpétuité parce que, par exemple, la pédophilie, c'est quelque chose dont souvent c'est quelque chose à vie, entre guillemets. Et c'est pas quelqu'un, en le mettant 30 ans en prison, qui, en sortant, il aura plus ses envies malsaines. Et rien ne nous garantit qu'il ne reproduira pas ce schéma. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a particulièrement marquée récemment, ou alors si elle est plus ancienne? C'est une affaire qui est pas très connue, c'est qu'en troisième j'avais fait un stage du coup en tribunal et j'avais pu assister à une cour d'assises qui avait duré 3 jours. C'était la première affaire que je suivais réellement, c'était une affaire de bébé secoué, donc c'est lorsque un parent secoue un bébé et du coup c'est une mort cérébrale je crois que c'est. Et ça m'avait surtout impressionnée parce que on découvre la justice et l'affaire m'avait particulièrement... c'est très compliqué parce que du coup là c'était vraiment un homicide involontaire. Le père avait tué son bébé mais de manière involontaire, c'est juste qu'il voulait qu'il arrête de pleurer. Ça m'avait particulièrement marqué parce que du coup ça montre tout ce à quoi peut toucher la justice. C'est pas que des grands meurtres ou des assassinats, que des tueries de masse, c'est aussi des trucs très personnels ou des choses très involontaires, et je trouve que c'est très, très choquant quand on voit tout ce qui peut se passer. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Terence Guillaume et je suis élève de terminale au lycée Fauriel. J'ai comme spécialité physique chimie et SVT. Bonjour Terence, alors déjà quand je te dis justice, tu penses à quoi? C'est compliqué parce que la justice serait difficile de la résumer en un seul mot, parce que c'est d'un côté il y a le fait d'infliger une certaine peine à un individu qui a fauté, et en même temps c'est un peu de soulager les victimes de la peine qui leur a été infligée. Est-ce que tu as l'habitude de t'informer sur les grands procès actuels, sur les nouvelles lois qui entrent en vigueur, etc., sur le monde de la justice en fait? Alors, je ne pense pas que je suis quelqu'un qui suit assidûment la justice et toutes les affaires, ou alors les lois qui entrent en vigueur, mais les procès ou encore les lois qui font beaucoup de bruit et qui sont très médiatisées, oui, j'en entends quand même un peu parler. Et tu t'informes comment, justement, plutôt par les réseaux sociaux, la presse, la télé, la radio Des sources qui... des émissions qui sont plus à droite ou plus à gauche pour avoir deux points de vue et pouvoir faire mon propre point de vue. Est-ce que tu considères que la justice française, au sens de l'institution, va bien ? Alors, en fait, ça vient d'un problème qui est un peu plus grave. C'est simple, la justice en France est trop lente. Que ce soit à cause de l'administration ou encore, même si ça existe... dans d'autres pays, je ne pense pas que ça soit uniquement en France, il y a quand même un minimum de corruption qui arrive, même si ça serait difficile de s'en défaire. Ainsi, la justice française est imparfaite et perfectible. Est-ce que tu trouves que la justice est assez ferme ou au contraire qu'elle n'est pas assez sévère, malgré les délais dont tu m'as parlé ? Je pense que en termes de peine pure, pour certains incidents, par exemple les viols, les meurtres, peut-être qu'il faudrait renforcer les peines, c'est-à-dire faire des temps de prison qui soient plus grands. Et par contre, je pense que la justice est trop sévère sur un point. C'est simple, elle a du mal à réintégrer les individus qui ont fait de la prison dans la société. C'est-à-dire... par exemple, quelqu'un qui prend 30 ans de prison pour, je ne sais pas, un meurtre, il va rester généralement peut-être un peu moins en fonction des situations moins aggravantes. Je ne suis pas non plus un expert en justice ni en peine, du coup, je vais probablement faire des erreurs. Et en fait, il ne va pas forcément avoir de suivi après pour essayer, quand son temps de prison sera terminé, de le réinsérer dans la société et de faire en sorte qu'il ne récidive pas. Ce qui est malheureusement pas fait par la justice française. Et ce qui explique le nombre que pourquoi ceux qui fautent généralement sont des récidivistes. Un petit peu plus largement, pour parler de justice sociale, on est au lycée et donc je voulais te demander si tu trouves que l'école en France, ça permet vraiment d'effacer toute forme d'inégalité ou si malgré le fondement méritocratique, il y a tout de même une certaine injustice sociale qui persiste et si tu le perçois ou ce que t'en penses, tout simplement. Alors il y a, même si l'école fait de son mieux pour essayer de limiter ces inégalités, elle n'y arrive pas très bien. Généralement, les élèves qui sont issus de niveaux sociaux qui sont supérieurs vont finir avec le même niveau social, alors que ceux qui sont plus bas auront plus de mal à monter. Bien sûr, il y a, du coup, les gens arrivent à monter dans l'échelle sociale. Cependant, généralement, le fait qu'ils soient issus, par exemple pour certains, de milieux sociaux défavorisés, va influencer justement leur parcours scolaire de manière relativement négative. Et en fait, je trouve que l'école, malheureusement, ne... Même si avec la meilleure volonté du monde et avec le fait d'essayer de limiter cet écart, c'est quasiment impossible de le limiter. Voilà. Et selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ces injustices et inégalités sociales ? Ben, le truc, c'est que vu que ces inégalités viennent directement du milieu social, il faudrait que soit que tout le monde vienne du même niveau, même milieu social, ce qui est très compliqué, ou alors les couper de ce milieu social, ce qui est aussi assez cruel. En fait, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de solution. Il n'y a pas que même s'il n'y a pas que le milieu social qui compte, il y a aussi tout le vécu de l'individu. C'est pour ça qu'il faudrait essayer de, un peu dès les classes inférieures, à essayer de motiver les élèves à justement essayer d'être consistants dans leur parcours scolaire, essayer de bien travailler, d'obtenir de bons résultats. Et ça passe directement par une meilleure... une meilleure instruction des professeurs, notamment des classes de primaire. Mais pour ça, il faut déjà en former, il faudrait qu'il y en ait un peu plus. Et pour ça, peut-être qu'il faudrait rendre le métier plus attractif, hein, par exemple augmentant le salaire des professeurs, ou alors en optimisant un peu mieux les heures pour faire que, en sorte que leur temps de travail soit peut-être un peu plus réduit. Voilà. Notamment dans les niveaux termes de collège et de lycée. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc bonjour Radio Audio, je suis Julien, je suis un élève de terminale, j'ai l'ESP AGG, ESP et SES. Quand je te dis justice, tu penses à quoi ? Je pense au chapitre de philosophie Justice et Vengeance, qui m'a passionné et qui a éveillé en moi l'âme d'un vrai avocat. Et si tu devais me résumer justice en un seul mot, tu choisirais lequel ? Un seul mot pour parler de la justice. C'est une question assez épineuse. Je dirais égalité, retour à l'égalité, en tout cas. Est-ce que tu as l'habitude de t'informer sur les grands procès actuels et les nouvelles lois qui entrent en vigueur ? Alors, les grands procès actuels, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des procès qui peuvent m'intéresser. C'est toujours ce qui est très mainstream, je m'intéresse pas vraiment à des procès assez nichés, ou même en général à ce qui se fait dans les procès, je veux dire. Ce qui s'est fait récemment, par exemple, le procès Pellico, j'ai pas mal écouté ça, mais comme tout le monde, quoi. Comment est-ce que tu t'informes ? Alors, je m'informe, j'écoute pas mal sur YouTube, principalement des petits indépendants qui font des news. Sinon, je suis abonné au New York Times sur mon portable, donc je regarde des petits articles. Après, c'est souvent un peu des faits divers, c'est pas très intéressant ce que je regarde en général dans les journaux. Sinon, ouais, quand ça passe comme ça sur mon feed Instagram aussi. Et par exemple, du coup, c'est quel youtubeur que t'écoutes particulièrement pour t'informer ? Alors, c'est des noms assez, comment dire, assez nichés toujours, psychédéliques. Gros blanc. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, la justice française, elle va bien ? La justice française va bien ? C'est une bonne question. La justice, je sais pas. Après, personnellement, dans les lois, je pense qu'il y a des limites. Il y a des lois que j'aimerais changer. C'est pas très modeste, mais je veux dire, il y a des choses que je trouve pas normales. En soi, la justice, je sais pas, je connais pas le niveau des juges ou... Et je sais pas s'ils jugent bien ou pas en France, j'ai vraiment aucune référence là-dessus. Et par exemple, c'est quelle loi que tu voudrais changer ? Je trouve qu'il y a trop de... je trouve plus le mot. Il y a trop... on est parfois trop gentil au niveau des peines données. Il y a peut-être un peu trop de clémence, c'est ça. Est-ce que tu trouves que la justice, elle est assez ferme, du coup, ou au contraire qu'elle pourrait être plus sévère ? Eh ben, alors, tu vas être surpris, mais oui, je trouve qu'elle devrait être plus sévère. Bah ouais, c'est mon avis personnel. Souvent, des lourdes peines, c'est ce qui limite le plus les risques de récidive. Et en général, je trouve qu'il y a des peines qui sont totalement pas adaptées. Enfin, c'est un argument assez... pas très original, mais par exemple les violeurs ou les pédophiles. C'est assez hard ce que je dis, mais ouais, je pense que ça devrait être bien plus ferme avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, qu'elle soit très ancienne ou très récente ? Celle du policier qui avait tué Naël, c'était il y a 2 ans, je crois. Bah, j'avais un peu suivi et tout, et je crois qu'il y avait, je sais plus exactement, mais il n'y a pas eu beaucoup de suites. Donc ça m'a marqué. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? J'ai pas grand-chose à ajouter. Portez-vous bien, vous, auditeurs d'Audio, et voilà, quoi. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis en classe de terminale et j'ai 17 ans. Bonjour Héloïse, quand je te dis justice, tu penses à quoi ? Je dirais droit comme ça, mais je pense pas que ça répond parfaitement au truc là. Et est-ce que tu as l'habitude de t'informer sur les grands procès actuels ou les lois qui entrent en vigueur ? Oui, assez, mais j'avoue que je pousse pas assez la recherche des lois jusqu'à la fin, mais comme beaucoup de personnes, on regarde vachement la loi et pas les... On a après notre avis sur la loi, mais en fait, sans vraiment s'informer sur les aspects positifs et les aspects négatifs de chaque chose. Et comment tu fais pour t'informer justement ? Ça passe plutôt par les réseaux, la télé, la presse ? Alors moi, c'est principalement sur les réseaux. Je suis abonnée à tous les comptes d'information possibles sur Instagram pour avoir un peu les points de vue de tout le monde, parce que on sait tous qu'entre BFM TV ou Hugo Décrypte qui essaye d'être le plus neutre possible, on a des différences, donc j'essaye d'avoir les deux points de vue pour justement avoir un avis le plus objectif possible. Est-ce que tu trouves que la justice est un sujet central dans l'actualité et dans les médias, ou qu'on n'en parle pas plus que ça ? Alors c'est compliqué à dire, je vais pas être radicale en disant on parle pas assez de justice parce qu'il y a quand même des procès qui sont mis en place. Après c'est sûr qu'on est beaucoup contre la justice française et on considère que la justice française fait pas assez son travail et c'est quand même un point que je retiens sur certains aspects. Mais sinon certains procès sont, par exemple procès de Mazan, il a été super bien représenté, on l'a extrêmement vu dans l'actualité. Donc il y a certains faits de justice qui sont très bien représentés. Après, il y a certaines histoires dont on n'entend plus du tout parler par la justice. Par exemple, l'affaire de Gaël Perdriau, on ne voit même pas la suite de l'histoire. Ou encore, avec Depardieu, on ne voit pas non plus la suite de l'histoire. Et du coup, sur certains points, c'est vrai que c'est assez mal représenté. Et plus largement, est-ce que tu considères que la justice française va bien ? Et pourquoi ? Elle va mieux qu'avant, ça on est sûr. Après, je pense qu'on a quand même des points à améliorer, notamment sur tout ce qui concerne les violences sexuelles, etc. C'est vraiment quelque chose qui est trop pris à la légère. Et en fait, quand on voit le nombre de preuves qu'il faut pour porter plainte contre quelqu'un, ça décourage juste les victimes, et sur ce point-là, la justice française, elle a beaucoup encore à faire, notamment sur ça. Est-ce que du coup, tu trouves que la justice, elle est assez ferme, ou peut-être qu'elle n'est pas assez sévère, en particulier dans les cas quotidiens ? Alors je pense que c'est un peu quitte ou double. Il y a des choses sur lesquelles je la trouve... très très trop ferme, et d'autres choses où elle l'est beaucoup moins. Encore une fois, je reprends la même chose, mais sur les agressions sexuelles, on n'est jamais sûr de la chose, ok, mais parfois on a vraiment des peines qui sont trop peu importantes pour la chose qui a été causée, et alors qu'à l'inverse, le dealer qui a été arrêté et qui a 10 ans de prison, je trouve que c'est excessif, parce que souvent il y a plus un passé qui l'a entraîné dans ça, alors que le mec qui a agressé une fille, il a beaucoup moins ce passé dans la violence que la plupart des dealers qui tombent dans ça parce qu'ils connaissent la misère, entre guillemets. Après là c'est très généralisé et c'est très dans les extrêmes, mais je trouve que du coup sur ça parfois elle est beaucoup trop stricte et parfois beaucoup trop laxiste. Plus largement, est-ce que tu trouves vraiment que l'école républicaine, ça permet l'égalité des chances, ou que la justice sociale n'est pas vraiment respectée à l'école ? J'oserais dire que c'est... Enfin, j'ai envie de te ressortir mon cours des CS là. Non mais que bien évidemment, tout le monde a accès à l'école, donc de ce point de vue-là, on pourrait croire que tout le monde a cette même égalité, mais on le sait tous, il y a toujours des cours à côté qui sont payants, et les personnes qui ont eu le capital culturel l'auront quoi qu'il arrive à l'école. Et on sait tous que quelqu'un qui sera qui est au lycée Claude Fauriel, ou quelqu'un qui a Henri IV, la personne qui sera Henri IV a tout en main pour réussir dans sa vie, alors que quelqu'un qui vient le lycée Claude Fauriel, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais un lycée avec des gens qui ont dans des villes où il y a beaucoup moins de moyens, bah déjà les infrastructures ont moins de moyens pour étudier, c'est plus compliqué. Et enfin ça c'est des chiffres qui ressortent, donc elle renforce les inégalités autant qu'elle essaye de les atténuer. Et quand on voit qu'il y a des enseignements à côté, comme des cours qui sont payants pour avoir des meilleures notes, ou des prépas qui sont payants pour entrer dans certaines écoles, bah là on se rend bien compte que quand quelqu'un doit faire un prêt étudiant pour financer ses études et quelqu'un qui n'en a pas besoin, bah forcément la personne qui fait ce prêt étudiant n'a pas le droit de rater, alors que celui qui n'a pas fait de prêt peut se permettre de rater. Et donc pour ça, bah on se rend bien compte qu'elle renforce les inégalités et qu'on n'est pas du tout sur une école républicaine qui est encore égalitaire, même si elle aimerait tendre à l'être de plus en plus. Eh bien, merci beaucoup aux jeunes qui ont bien voulu répondre à nos questions et ainsi participer à notre émission. Vous êtes toujours avec nous sur le 89.5 Radio Dio. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le morceau Masters of War de Bob Dylan. Sorti en 1963 dans l'album The Free Willin', Dylan exprime sa colère face aux dirigeants militaires et politiques. La chanson est bouleversante, le rythme entraînant et les paroles pleines de sincérité. Par ailleurs, si vous n'êtes pas allé voir le biopic sur la vie de Bob Dylan, je vous invite à aller le voir car il est très réussi et reste plutôt fidèle au caractère de Dylan. Sur ce, je vous laisse écouter Masters of War by Bob Dylan. Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you lord down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead. Je vais commencer en vous présentant mon inspi culturel donc d'avril. Alors moi je voulais vous parler du magazine Topo, qui est en fait un magazine bimestriel destiné aux jeunes de moins de 20 ans, et c'est de la BD qui résume l'actualité. Donc ils appellent ça l'actu dessinée pour les moins de 20 ans. En fait, ils utilisent le format de la BD pour décrypter l'actualité et aider les jeunes à développer un esprit critique. Et en fait, dans Topo, on peut retrouver plein de rubriques différentes qui parlent un peu de... qui présentent plutôt un large panorama de ce qui préoccupe les jeunes aujourd'hui. Ils parlent donc, comme je l'ai dit, d'actualité, de nombreux problèmes qui sont dans l'air du temps, en évoquant les enjeux économiques, sociaux et même internationaux ou encore écologiques. Et je trouve ce format de magazine et de BD particulièrement cool parce que ça permet d'avoir une approche... De phénomènes et d'événements assez complexes et pas forcément attrayants pour les jeunes. Une approche qui est quand même assez ludique ou du moins pédagogique parce que c'est vraiment agréable en fait, de lire une BD qui est dessinée de manière super sympa, les enjeux sont présentés de manière fluide. Et puis les sujets sont très divers. On a donc différents reportages par exemple sur, qui présentent différents métiers. On peut avoir des reportages sur des conflits géopolitiques ou passer sur un truc totalement différent, une présentation de jeux vidéo, lire également des rubriques sur toutes les formes d'art. On peut avoir des rubriques sur le street art, par exemple, sur le cinéma, sur la mode. Il y a souvent quelques pages dédiées au phénomène de mode ou à un élément particulier. J'ai en tête par exemple un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur le bandana, et en fait c'est tout bête, mais c'est plein d'infos super intéressantes, pratiques, et on apprend des choses insolites qui sont en fait de la culture G super précieuse, et c'est juste super, super agréable à lire. Donc c'est vraiment ma recommandation, le magazine Topo, qui sort donc tous les deux mois. Et puis oui, il présente aussi fréquemment des influenceurs ou du moins des personnalités célèbres, et ils parlent aussi des réseaux sociaux, et ils peuvent montrer un peu tous les problèmes que soulève cette façon dont les jeunes sont confrontés au monde. Et ils essayent, les auteurs de Topo, eux, d'avoir une approche du monde et de l'actualité un peu plus éclairée et concrète. Donc voilà, je vous encourage vivement à lire, voire vous abonner à Topo. Alors, moi, pour ce mois-ci, j'ai regardé la série télévisée Shrinking, qui est dispo sur Canal+, si jamais vous avez. C'est une série comique où l'on retrouve notamment Harrison Ford, qui se passe aux États-Unis à notre époque actuelle. On suit l'histoire de trois psychologues qui font partie du même cabinet et de leurs proches. Sur un ton toujours plus comique, on assiste à la vie personnelle tumultueuse des personnages. La série montre humoristiquement que, bien que psychologues, les trois collègues ont une vie tourmentée, où ils ne font pas toujours les bons choix, hésitent et se trompent. Entre amour, voisins, relations père-fille et psychologie, la série met en scène des personnages complexes, mais qui s'entraident sans cesse pour essayer de surmonter leurs peurs. Mon inspiration d'avril, c'est donc Shrinking, que je vous invite vraiment à regarder. S'il vous plaît, regardez. Sur la watchlist, alors. Voilà. Et ben moi, pour mon inspi culturel du mois, j'ai choisi un film que je suis allée voir vendredi dernier au cinéma, donc vraiment c'est tout frais. J'ai choisi du coup de vous parler du film Lire Lolita à Téhéran. C'est l'adaptation d'un livre qui porte le même nom, du coup Lire Lolita à Téhéran. Et alors c'est une histoire qui commence à Téhéran dans les années 70-80. C'est une jeune femme iranienne qui va revenir dans son pays après ses études aux États-Unis. Elle va devenir prof de littérature anglaise dans une université de Téhéran. Et elle va faire lire à ses élèves des livres comme Gatsby le Magnifique ou alors Lolita de Nabokov. Mais au bout d'un moment, l'étau il va se resserrer autour des femmes, surtout celles qui étudient et celles qui s'opposent au régime. Elles vont subir des répressions, des violences. Ce film il revient un peu sur l'injustice, l'enfermement des femmes par l'État et la religion, qui est utilisée comme prétexte, entre guillemets, pour les enfermer. Ça aborde différents sujets qui sont très lourds, assez trash, comme la torture, des choses comme ça. C'est assez... c'est un film particulier, mais qui est aussi... donc qui est dur, qui est trash, mais qui est aussi très poétique. Le personnage principal, il est vraiment attachant, c'est quelqu'un de doux et de révolté quand même. Elle va organiser des sortes de réunions secrètes pour pouvoir lire Lolita en cachette en fait de la milice qui les réprime. Dans ce film, on retrouve une actrice qui s'appelle Golshifteh Farahani. Elle est iranienne et à la fin du film, on a une musique qui passe qui s'appelle Barayé, qui est aussi la musique que je vais vous présenter. Qui est Barayé, Barayé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot persan pour dire pour. C'est une chanson de Sharvin Ajipour, qui est un artiste iranien. Et en fait, cette chanson qui passe du coup à la fin, c'est alors elle est décrite par cette formule m'a marqué. Elle est décrite par France Culture comme le cri universel de la liberté pour l'Iran. C'est une hymne en fait, un hymne de soulèvement pour l'Iran. Ce soulèvement d'ailleurs qui a commencé en septembre 2022. Du coup, je vais vous la passer. C'est de l'iranien. C'est du persan. Je ne parle pas persan. Donc, il y a quelques phrases. Donc, j'ai lu la traduction. Je vais vous lire un peu quelques phrases qui m'ont particulièrement marquée. Alors, dans cette chanson, on peut entendre pour chanter dans la rue, pour ma sœur, ta sœur, nos sœurs, pour un visage souriant, pour les élèves, pour l'avenir, pour femme, vie, liberté, pour la liberté. Et du coup, tout de suite, je vais vous passer le live qu'a fait Golshifteh Farahani, du coup, l'actrice principale dans Lire Lolita à Téhéran, et Coldplay. Voilà, c'est un chouette featuring sur du coup la chanson de Sharvin Ajipour. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختهای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، Merci beaucoup, Sarah, pour cette découverte super agréable et puis bien engagée aussi. J'ai adoré le persan. Moi aussi. C'est super mélodieux. Et puis, bon, pour passer un petit peu au cœur de notre émission, je voudrais qu'on discute ou qu'on débatte un petit peu sur la justice et surtout ce que veut dire la justice française dans la tête des jeunes. Qu'est-ce que c'est ? Et déjà, merci à ceux qu'on a interviewés d'avoir bien voulu nous répondre. Et moi, je voudrais commencer en vous parlant un petit peu de ce qui m'a frappé le plus déjà, et puis ce qu'on entend fréquemment dans les médias, c'est la lenteur des procédures judiciaires. Et en effet, c'est phénoménal, rien que pour les procès médiatisés type Gérard Depardieu. Les faits se sont déroulés en 2021 et il est jugé cette année en 2025, soit 4 ans d'attente pour des viols supposés ou en tout cas dénoncés. Donc à un moment, c'est un truc hyper frappant. Pourquoi est-ce que la justice est aussi lente ? C'est un évident dysfonctionnement. Et pour moi, c'est très probablement un manque de moyens de l'État. Mais pourquoi ? Eh bien justement, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps et j'ai eu l'occasion de rencontrer une juge. Et en fait, elle s'appelle Annick Corona, elle est stéphanoise, elle a été au palais de justice pendant très longtemps à Saint-Étienne. Et en fait, elle disait que, dans son livre, elle explique qu'il y a une telle masse de travail en fait, qui est donnée à très peu de gens. En fait. Et c'est pour ça que les procédures sont ralenties. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant aussi pour les personnels de justice. Et ça, elle en parle du coup dans le livre qui est très bien, qui s'appelle « Faites entrer la juge ». Eh bien oui, je suis complètement d'accord avec toi. Si les procédures vont trop lentement, c'est aussi parce que les magistrats, le plus souvent, sont surchargés. Et d'ailleurs, moi, en cours de droit, et d'ailleurs, je crois qu'un des jeunes en a parlé, on a fait un débat sur une potentielle solution qui est peu à peu en train de se mettre en place, ou du moins discutée dans le domaine juridique, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le droit. Donc, en fait, elle servirait d'un outil, d'une auxiliaire, en fait, pour par exemple, créer des contrats, faire avancer les procédures plus vite. Et donc... Je pense personnellement que ce serait un moyen efficace. Beaucoup étaient contre parce qu'on avait peur des risques que l'IA prenne le contrôle, qu'elle n'avait pas d'émotion, qu'elle ne pourrait pas faire preuve de clémence. Mais je pense que l'IA pourrait être utilisée, pas pour faire des jugements évidemment, mais dans le cadre de contrats, notamment je pense aux contrats de divorce qui sont super longs à faire. Et il y a des choses pratiques en fait qui prennent un temps fou, notamment dans le domaine du notariat. L'idée, du coup, c'est de leur faire la paperasse, quoi. C'est ça. Okay. C'est exactement ça, Sarah. Ouais, mais c'est super intéressant comme idée parce que c'est clair que la justice manque de moyens et de personnel. Et c'est vrai que l'IA, ça pourrait être une alternative super efficace, surtout pour tout ce qui est très pratique et technique, en fait. Et puis aussi, juste pour revenir sur la question que les IA n'ont pas d'émotion et que potentiellement, elles seraient néfastes à la justice, je pense que... Au contraire, la justice, c'est vraiment fondée sur la raison et sur des capacités logiques. Donc, s'il s'agit de faire seulement des tâches pratiques, je pense qu'au contraire, le fait qu'elle n'ait pas d'émotion serait positif. Mais après, évidemment, qu'une IA se mette à rendre des jugements, ce serait un délire complet. Mais... Alors après, moi, je reste bien sur l'idée que la justice doit être clémente et le rester. Mais du coup, oui, on est bien d'accord, ce serait pas pour faire des jugements ou ce genre de choses. Mais du coup, comme a dit Sarah, pour faire la paperasse. Je tiens aussi à dire que cette solution et d'autres nombreuses autres solutions qu'on n'évoque pas forcément, mais qui sont aussi discutées, je pense qu'elles sont aussi nécessaires pour la santé mentale des magistrats. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs avocats. Et je sais qu'ils n'ont pas de vie personnelle, que certains passent leur soirée au bureau tous les soirs, que c'est impossible à tout gérer, que des juges ont parfois 48 dossiers à rendre en une heure. On l'a vu en cours de droit, ça. Donc je pense aussi que ce serait un moyen de décharger la santé mentale et donc de faire progresser la justice de manière générale. Je suis totalement d'accord avec ça. Après, je pense qu'il ne faut quand même pas qu'on oublie que, à mon avis, ceux qui introduisent l'idée de l'intelligence artificielle, c'est volontairement ou non une façon de camoufler le fait qu'on manque juste de magistrats, on manque de moyens, qu'il faudrait une meilleure formation et tout simplement plus d'argent pour mieux former les jeunes, former au droit, qu'on ait plus d'avocats, plus de juges, plus de magistrats, et tout simplement ne pas surmener le peu de personnes qui travaillent dans le domaine de la justice en ayant plus de personnes qui y travaillent. Mais ouais. Oui, je suis complètement d'accord. Moi, je voulais revenir avec vous. C'est un truc qui m'a marqué dans les interviews et enfin dans les gens qu'on a interrogés, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que les peines sont trop clémentes et qu'ils veulent des peines plus lourdes. Oui. Je trouve que c'est un, enfin moi, ça m'a un peu fait bizarre parce que je sais pas, ça m'a un peu, ça m'a fait bizarre de que les jeunes puissent vouloir plus de fermeté, des peines plus lourdes, plus longues. Je pensais que ça serait, enfin, qu'il y aurait des avis un peu plus, oui, il faudrait que ça soit un peu moins dur, tout ça. Et en fait, c'était le contraire. Ben, en fait, donc je suis pas d'accord sur tous les points, mais en fait, je suis d'accord. Donc notamment, il y a Lilou qui en a parlé sur le fait que la justice, notamment sur les affaires d'agression sexuelle, de viol, de violence conjugale aussi, je suis pour que la justice soit plus ferme parce qu'actuellement, elle ne l'est pas, en fait. J'ai passé une semaine, évidemment, c'est qu'une semaine, c'est qu'un avis, voilà. Mais j'ai passé une semaine dans le tribunal de Saint-Étienne où j'ai pu assister à des procès tous les jours. Donc, il faut savoir que plus de 50%, vraiment, c'est des affaires de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Et qu'on voit des choses horribles, on entend des choses affreuses, mais que les accusés, en fait, ne vont jamais en prison. Mais vraiment, ils n'ont jamais de peine. Ils ressortent le plus souvent avec un contrôle judiciaire, et j'ai du mal à comprendre. Moi aussi, j'éprouve une incohérence face à la clémence, en tout cas sur ce genre d'affaires-là, parce qu'il y a plein d'autres genres d'affaires où peut-être que la justice est à l'inverse trop dure ou met des peines trop longues. Mais en tout cas, sur le sujet des agressions sexuelles et des violences conjugales, je suis un peu sidérée, moi aussi, comme ceux qu'on a interviewés, sur le manque, en fait, de peine. Enfin, oui, j'éprouve un peu de l'incompréhension, en fait. Voilà. C'est fou de se dire qu'il y a autant d'affaires qui concernent, du coup, des violences conjugales, sexuelles. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Oui. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que de nombreuses peines sont totalement incohérente, parce que en fait on dit que la justice est impartiale, apolitique, etc. Et on voit clairement que certaines peines n'ont aucune logique. Un vol à l'étalage va être condamné de parfois des peines de prison. Exactement. Quand on a Nicolas Sarkozy jugé pour l'affaire avec Kadhafi 10 ans ou plus après, avec seulement un bracelet électronique, alors qu'il a mis en danger l'État français, ou que du moins il y a eu des attentats sur son sol. Enfin, il y a des choses totalement incohérentes. Et rien que récemment avec Marine Le Pen, on voit seulement l'inéligibilité. Elle a réussi plus ou moins en négociant, ou son parti a plus ou moins fait pression pour que son jugement soit avancé en 2026 avant les présidentielles. Enfin, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas des décisions politiquement motivées et une influence extérieure à la justice qui peut révéler une faille de l'institution française. Et puis aussi, pour revenir, je change un peu de sujet, sur les agressions sexuelles. Donc évidemment, je trouve que les condamnations sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Et puis je voulais aussi parler de la certaine loi du silence qui existe autour de toutes ces agressions sexuelles. C'est-à-dire que déjà une femme, ou même un homme d'ailleurs, qui aurait le courage d'aller dénoncer une agression sexuelle, c'est déjà rare. Et c'est pas, enfin, tout le monde n'a pas la force de faire ça. Et je voulais aussi parler de la façon dont les peines et les plaintes sont reçues dans les commissariats notamment, et que de nombreuses femmes ne sont pas prises au sérieux, ne sont pas écoutées, et qu'elles n'ont même pas la chance d'aller jusqu'au procès, en fait. Et ça, c'est vraiment une fragilité de la justice. Oui, et celles qui vont au procès après, d'ailleurs, c'est pas forcément mieux pour elles, parce que elles sont face à leur agresseur, et le plus souvent, vraiment. Parce que même si, ce qu'on voit sur les médias, on voit les grosses affaires, entre guillemets, donc oui, on voit qu'ils sont condamnés, tout ça, mais si on parle de toutes les petites affaires, entre guillemets, qui ont lieu dans les tribunaux de nos communes tous les jours, en fait, le plus souvent, les personnes ne sont pas condamnées. Et puis, je pars un petit peu sur un sujet qui s'éloigne un petit peu plus de l'institution qu'est la justice. Mais on a parlé aussi avec les jeunes qu'on a interviewés de la justice sociale, et en particulier à l'école, parce que nous sommes lycéennes, donc c'est un peu la vision qu'on a de la justice sociale, mais évidemment ça s'étend à la population française en général. Et ils nous ont dit un peu clairement que l'école, qui pourtant nous offre la même éducation à tous, elle ne suffit pas à effacer les inégalités sociales, et qu'elle a tendance, même ces derniers temps, avec la baisse des moyens, le nombre d'élèves par classe qui augmente, etc., à quelque part un peu renforcer les inégalités sociales et surtout la reproduction sociale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que ça peut être nuancé, mais... Ben, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il existe encore une injustice sociale, une grosse injustice sociale, donc notamment à cause des choses que tu as dit, mais aussi à cause du capital socioculturel qu'on peut recevoir de nos parents en lisant des livres, en allant au cinéma, en ayant accès à la culture tout simplement. Et ce qui me sidère d'ailleurs en parlant de ça, c'est quand je vois que récemment, le Pass Culture... les fonds donnés au Pass Culture ont énormément diminué. On devait recevoir pour nos 18 ans 300 euros dédiés à la culture, donc à l'achat de livres, par exemple de dictionnaires, de manuels, du code pénal si on veut faire de la justice, des choses qui coûtent cher, qui est passé à 150 euros, donc qui a diminué par deux, ce qui va en fait augmenter une certaine injustice sociale, car les jeunes ont moins de moyens, alors que je pense qu'ils devraient en avoir plus, car pour beaucoup de jeunes, il est déjà très compliqué d'avoir un accès à la culture. Je suis tout à fait d'accord donc, avec toi, Cassandre. Mais oui, je voulais juste rajouter sur la question du pass culture. En fait, je trouve ça totalement anormal que soudainement, pour des besoins budgétaires qui auraient dû être anticipés, on divise les sommes qu'on accorde aux jeunes. Parce que ça, pour le coup, c'est vraiment inégalitaire. C'est-à-dire que si t'es né en 2006, t'as l'argent, et si t'es né en 2007, t'as pas l'argent. Enfin, ça n'a proprement aucun sens. Mais après, je voudrais quand même nuancer ça. C'est que j'ai eu l'occasion de participer à des réunions d'explication du Pass Culture, etc., au rectorat de Lyon. Et en fait, j'ai bien vu que... Enfin, on a tous vu lors de ces réunions que beaucoup de jeunes achetaient en fait des choses dans des registres très limités, c'est-à-dire, je suis désolée, ça va être un peu cliché, mais c'est beaucoup de mangas, beaucoup de romances, beaucoup de romans. Ça fait lire. C'est, évidemment, c'est déjà ça, mais je pense que, quitte à avoir besoin d'argent et quitte à devoir couper les budgets, je pense que, déjà, l'État devrait allouer beaucoup plus d'argent à l'éducation nationale et à la culture des jeunes, mais aussi, je pense que pas le pass culture en soi, mais le mode de fonctionnement qu'est le pass culture, je pense pas que ce soit véritablement la bonne solution pour offrir un accès à la culture aux jeunes, parce que des politiques à l'échelle nationale pourraient permettre, par exemple, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles, d'emmener les élèves au cinéma, de les emmener au théâtre, de leur acheter des livres, par exemple, de développer les bibliothèques municipales, vraiment développer, qu'il y ait un véritable accès pour tous, plutôt que faire un don d'argent qui est presque de la charité ou un don un peu vertical, et laisser les enfants, enfin les jeunes libres d'acheter ce qu'ils veulent, parce que justement ça permet pas vraiment d'aller au-delà du capital socioculturel, c'est-à-dire que si le jeune n'a pas un capital socioculturel très large, il va recevoir de l'argent et il va acheter des choses qui sont déjà dans le registre qu'il connaît, de ce qu'il a. Et pour moi, c'est pas vraiment une ouverture à la culture, c'est plutôt poursuivre dans ce qu'il connaît déjà. Alors, moi, j'estime quand même qu'il faut garder une certaine liberté, en fait, dans l'utilisation de notre pass culture. Donc, je pense que, en fait, qu'on lise des mangas, qu'on lise de la romance, en fait, je pense que tant que les jeunes lisent, aujourd'hui, en fait, je trouve ça super, en fait, quoi qu'on lise. Et je pense que c'est déjà une ouverture. Après, oui, évidemment, je trouve que oui, c'est à nuancer, parce que si l'État mène toutes les politiques culturelles, quelque part, on est un peu dans plus personne ne choisit ce qu'il voit ni ce qu'il écoute, et c'est une sorte de dictature, donc c'est pas normal non plus. Évidemment, c'est pas ce que je dis, mais c'est juste que je pense que le pass culture ne se suffit pas à lui-même pour offrir un accès égalitaire à la culture pour les jeunes. Moi, c'était pour revenir sur aussi une injustice à l'école. Enfin, là, on est Parcoursup vient de fermer là aujourd'hui. Il y avait des vœux sur Parcoursup qui étaient payants. Moi, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. J'ai trouvé ça fou. Sciences Po notamment. Enfin, pour s'inscrire, pour faire un vœu, tu payes. Enfin, j'ai trouvé ça complètement injuste parce qu'il y a pas forcément des gens qui ont les ressources pour payer un vœu, sachant que tu n'es même pas sûr d'avoir l'école. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment choquant, quoi. Mm-hmm. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis désolée, on n'a plus bien le temps d'en parler, mais c'est vrai que ça me choque particulièrement la privatisation de l'enseignement supérieur. Mais bon, on pourra en parler lors de la prochaine émission, parce que évidemment, vous serez présents. Ce sera le 7 mai du mois prochain, comme d'habitude, à 18h. Et sur ce, on conclut notre émission sur la justice et ce qu'elle veut dire pour les jeunes. J'espère qu'on a pu vous intéresser, vous apporter quelques réponses peut-être, ou du moins vous faire réfléchir. On a pris beaucoup de plaisir à vous passer les musiques qu'on aime, à vous parler de nos inspirations culturelles. Et puis, je vous laisse tout de suite avec la rediffusion sur le 89.5 toujours de Plus fort, j'entends rien. Passez une bonne soirée. On vous fait plein de bisous. Bye.